إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله جل وعلا ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المؤمنون إن التاريخ حفظ رجالا من أهل الإسلام لا يمكن زوال ذكرهم إلا بزوال الإسلام ولن يزول الإسلام إلى قيام الساعة إنهم حملة هذا الدين وناقلوه إلى الناس عبر هذه القرون الطوال وهذا أحدهم كان نحيف الجسم وليس بالطويل ولا القصير من علماء القرن الثالث الهجري ذاق اليتمى كما هي سنة أكثر العظماء وعاش في كنف والدته وكانت الكتاتيب بوابة بروزه وشهرته وإمامته سيرته من أعجب العجب في ذكائه وحفظه وفقهه وفي عبادته وزهده وورعه ذلكم هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم البخاري رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه ولد رحمه الله في شوال سنة 94 ألهم حفظ الحديث وهو في الكتاب وعمره 10 سنين يقول متحدثا عن نفسه ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قيل له كم كان سنك قال 10 سنين أو أقل ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخل يعني أحضر دروسه فقال يوما فيما كان يقرأ على الناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له يعني البخاري رحمه الله قال لأستاذه إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني الأستاذ انتهر الإمام البخاري فقلت له ارجع إلى الأصل فدخل الأستاذ فنظر فيه ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام فقلت له هو الزبير بن عدي عن إبراهيم فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال صدقت فقيل للبخاري ابن كم كنت حين رددت عليه قال ابن 11 سنة ثم يقول فلما طعنت في ستة عشرة سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء ثم حج مع والدته وجاور بمكة لطلب الحديث Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran « Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. » L'histoire a mémorisé certains hommes parmi les musulmans et leur nom ne peut disparaître de l'histoire que par la disparition de l'islam. Et l'islam ne disparaîtra pas jusqu'à la fin des temps. Ces gens-là sont ceux qui propagent cette religion et la transmettent aux gens. Et ceci malgré les nombreux siècles qui nous séparent du moment de la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui de l'un d'entre eux. Un homme mince, de taille moyenne, parmi les savants du 3e siècle de l'Égypte. Il était orphelin, comme la plupart des grands de l'islam, et c'est sa mère qui l'a élevé. Sa biographie est des plus étonnantes et nous montre son intelligence, sa mémoire, sa compréhension religieuse, ses adorations, sa privation et beaucoup d'autres choses. On l'appelle le chef des croyants dans le hadith, Amirul Mu'minin fil hadith. C'est Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah. Il est né au mois de Shawwal, l'année 194 de l'Hégire. Et il commença à mémoriser le hadith alors qu'il n'avait que 10 ans à l'école coranique. Il dit en parlant de lui-même, à 10 ans j'ai commencé à apprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'école coranique. Ensuite, après 10 ans, je suis sorti de l'école coranique à Kuttab et j'ai commencé à assister aux cours d'un homme qui s'appelle Ad-Dakhili et d'autres. Et il a dit un jour, c'est-à-dire Ad-Dakhili à ses élèves, en leur citant une chaîne de transmission, il leur a dit « Soufiane, selon Abu Zubair, selon Ibrahim ». Et l'imam Bukhari rahimahullah lui a dit « Abu Zubair ne rapporte pas d'Ibrahim ». Bref, il a corrigé son professeur. Son professeur l'a grondé. « Comment ose-t-il me corriger alors que c'est encore un enfant ?» Et l'imam Bukhari lui a alors dit « Retournez chez vous, regardez dans votre livre ». Il est alors rentré chez lui, regarda dans son livre, puis sortit et dit « Oh jeune homme, comment est-ce possible ?» Je dis alors « C'est en fait Zubair ibn Adi ». Il prit alors mon crayon et corrigea son cahier et dit « Tu as raison ». On dit alors à l'imam Bukhari, après qu'il ait cité cette histoire, « Quel âge avais-tu quand tu as corrigé ton professeur ?» Il répondit « J'avais 11 ans ». Puis il dit « Quand j'ai eu 16 ans, je mémorisais les livres de Ibn al-Mubarak et de Wakir. » Puis il se rendit au pèlerinage avec sa mère et son frère et resta à la Mecque pour apprendre les hadiths. Masha'a l'ikhwati al-kiram. Bada'a tasnifa ba'di kutubihi wa huwa ibn 18 sana. Ka kitabihi al-tarikh. Wa huwa kitabun dakhm. فلا إله إلا الله انظروا إلى اهتمامات الشباب في وقت الإمام البخاري إلى اهتمامات أبناء الحادية عشرة والسادسة عشرة وأبناء العشرين بخلاف أبناء زماننا وأعجب من ذلك أنه كان يصاحب أقرانه إلى المشايخ لأخذ الحديث وهم يكتبون وهو لا يكتب كانوا يكتبون وهو لا يكتب ويأمرونه بالكتابة ولا يكتب فلما ألحوا عليه قرأ عليهم ما كتبوه عن ظهر قلب فزاد على 15,000 حديث ثم قال لهم أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي ويوم من الأيام قدم بغداد وقد كان أئمة الحديث فيها يسمعون عن قوة حفظه فأرادوا امتحانه فعمدوا إلى 10 من حفاظهم مع كل واحد 10 أحاديث قلبوا أسانيدها وخلطوها فأخذوا يلقونها على البخاري رحمه الله حديثا حديثا وهو يقول عند كل حديث لا أعرف هذا الحديث يعني خلطوا الأسانيد مع المتون حتى أنهوا 100 حديث ثم قال الإمام البخاري لكل واحد من هؤلاء الحفاظ أما أنت فحديثك الذي قرأته بكذا فهو مصحح بكذا وقرأ 100 حديث على الخطأ ومصحح فأقر له بالحفظ وأذعن له بالفضل. Il commença à écrire ses livres à l'âge de 18 ans. À 18 ans, il commença à écrire des livres utiles pour les musulmans. Et les livres qu'il a écrits à cette époque, comme par exemple le livre qui s'appelle At-Tarikh, qui est un livre de plusieurs volumes. Et observez donc quelles étaient les préoccupations des enfants de 11 ans, de 16 ans, de 20 ans à l'époque de l'imam al-Bukhari rahimahullah et quelles sont les occupations de nos enfants. Et plus étonnant que cela, il accompagnait ses camarades vers les chouyours pour apprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écrivaient tous, sauf lui. Ils prenaient tous des notes, sauf l'imam al-Bukhari. On lui ordonnait alors d'écrire, mais il n'écrivait pas. Lorsqu'ils insistèrent trop, il leur récita par cœur tout ce qu'ils avaient écrit. Et il y avait en tout plus de 15 000 hadiths. Puis il leur dit, pensez-vous que j'assiste à ces cours pour rien et que je perds mon temps? Moi aussi, j'apprends comme vous. Il voyagea un jour à Bagdad et les savants du hadith en Irak avaient entendu parler de sa grande mémoire. Ils ont donc voulu le tester et l'interroger pour s'assurer de ce qu'on racontait. Ils ont choisi parmi eux 10 personnes mémorisant beaucoup de hadiths. Chacun lira 10 hadiths, mais en ayant préalablement mélangé les hadiths avec leur chaîne de transmission. C'est-à-dire la chaîne de transmission du premier, on la met sur le second, du cinquième sur le troisième, etc. Ils ont mélangé entre les textes et leur chaîne de transmission. Puis ils commencèrent à réciter leurs textes devant l'imam al-Bukhari, hadith par hadith. Et à chaque hadith, l'imam al-Bukhari disait « Je ne connais pas ce hadith ». Puis, lorsqu'ils eurent fini leurs 100 hadiths, il leur répéta leurs 100 hadiths avec leurs erreurs puis il leur récita les mêmes 100 hadiths corrigés, et ils ont alors reconnu sa force de mémorisation et ont reconnu sa noblesse. Ayyuhal ahbab, inḍamma ila hadha al-hifẓ al-ajīb ihtimām bāligh bi-kitābati al-hadīth al-sharīf. وهذه الكتابة كانت تشغله عن النوم كثيرا. يقول محمد بن يوسف أحد تلامذته: كنت مع البخاري رحمه الله بمنزله ذات ليلة، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، وكان ثمرة هذا الحرص وتلك الحافظة رصيدا كثيرا من الأحاديث بلغ أكثر من 600,000 حديث بين مقبول ومردود يختزنها البخاري رحمه الله في ذاكرته بأسانيدها وفوائدها وعللها. يقول بعضهم: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. ولقد رآه غير واحد في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع أبو عبد الله البخاري رحمه الله قدمه في ذلك الموضع، وتلك كرامة في التأسي والاقتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن البخاري رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في المنام، قال يصف تلك الرؤيا: وكأنني واقف بين يدي وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، يعني كتاب المشهور. إذن كانت رؤياه حافزا من الحوافز على جمعه الصحيح الذي لا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح منه إلا كتاب الله جل وعلا، وما كان ذلك إلا توفيقا من الله عز وجل وكرما منه لهذا الإمام العظيم. ثم تحري هذا الإمام ودقته وكثرة استخارته حتى خرج كتابه على أحسن وجه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ويقول: صنفت الجامع الصحيح من 600,000 حديث في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. Chers musulmans, en plus d'avoir une grande mémoire, il donnait énormément d'importance à l'écriture des hadiths, et cela le perturbait même dans son sommeil. Mohammed ibn Yusuf, un de ses élèves, nous dit: j'ai passé une nuit chez l'imam al-Bukhari et j'ai compté qu'il s'est réveillé et a allumé la lumière et s'est rappelé des choses qu'il a notées 18 fois. 18 fois en une seule nuit, l'imam Bukhari se réveillait pour prendre des notes. Et le fruit de ce sérieux et de cette mémorisation fut qu'il connaissait un grand nombre de hadiths, plus de 600 000 hadiths dans sa mémoire. Et ce n'est pas que le texte, c'est avec la chaîne de transmission et leur explication. Et de nombreuses personnes à son époque ont vu l'imam al-Bukhari rahimahullah accompagnant le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchant derrière lui. Et à chaque pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Bukhari posait son pied à l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait posé le sien. Donc cela est un miracle et a été expliqué par le fait que l'imam Bukhari suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunnah à la lettre. Et l'imam Bukhari rahimahullah a vu lui-même le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe, et il nous dit, en décrivant son rêve: c'est comme si j'étais debout devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un éventail à la main, éloignant de lui toute chose. J'ai alors demandé à quelques interprètes des rêves, ils m'ont dit: tu éloignes de lui le mensonge, et c'est cela qui m'a incité à écrire le recueil As-Sahih, le recueil authentique. Donc ce songe fut parmi les causes qui l'ont incité à écrire ce livre As-Sahih, le plus authentique livre sur terre après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Coran. Et cela ne fut que par aide d'Allah et ennoblissement pour cet illustre imam, et grâce à ses recherches et sa précision, et beaucoup de prières, de consultations, l'istikhara. L'imam Bukhari nous dit: lorsque j'ai écrit mon livre, je n'ai pas mis un hadith dans mon livre sans me laver préalablement et faire 2 raka'at. Et ensuite donc faire salat l'istikhara. Et il dit: j'ai écrit mon livre en me basant sur 600 000 hadiths. En 16 ans d'écriture, il a pris 16 ans pour écrire ce livre, et il l'a vendu tel un argument entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفاء. أما بعد، عباد الله، ابتدأ تصنيف كتابه وترتيبه وتبويبه في المسجد الحرام بمكة، وحول تراجمه في الروضة الشريفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين، ويدل هذا على تعظيمه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى ويعتقد أن الاشتغال بالحديث من أعظم ما يقرب إلى الله جل وعلا، حتى كأن المشتغل بالحديث مجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. يقول تلميذه الفرابري رحمه الله: أملى علي الإمام البخاري يوما حديثا كثيرا فخاف مللي، فقال لي: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن بعلمه وعمله واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه بلغ صيته الآفاق وأثنى عليه العلماء، حتى قال قتيبة بن سعيد شيخه: جالست الفقهاء والزهاد والعباد، فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة. ثم قال: لو كان محمد في الصحابة لكان آية. Chers frères et sœurs, il commença à écrire son livre à Sahih, l'ordonné, le classé dans la mosquée sacrée Al-Masjid al-Haram à la Mecque. Et il le recopia au propre, chapitre par chapitre, dans ce qu'on appelle Al-Rawda, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit: je priais deux rak'at pour chaque chapitre. Et cela nous montre l'immense respect qu'il avait pour le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il pensait que le fait de s'occuper par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait partie des meilleurs actes rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa kama qala, comme si celui dont l'occupation est le hadith est en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Son élève, Al-Firabri, rahimahullah, nous dit: un jour, l'imam al-Bukhari m'a dicté un grand nombre de hadiths. Et il a eu peur que par ce grand nombre de hadiths, je me lasse. Et il me dit alors: réjouis-toi, car les gens du divertissement sont dans leur divertissement, les artisans sont dans leur artisanat, les commerçants dans leur commerce, et toi tu es avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc grâce à sa science, à ses actes, à sa sincérité et au fait qu'il était accroché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réputation a atteint les quatre coins du monde et les savants ont fait son éloge. Qutayba ibn Sa'id, un de ses professeurs, disait: je me suis assis avec les savants du fiqh, avec les gens du renoncement, zuhd, ainsi que les grands adorateurs, al-ubbad, et je n'ai jamais vu tel que Mohammed ibn Ismail. Il est à son époque tel que Omar pour les compagnons. Et il dit également: si Mohammed avait été parmi les compagnons, il aurait été un miracle. Ayyuha al-mu'minun. Ma'ilmihi wa hifdhihi kana ayatan fil ibada. Lam yashghalahu al-hadith 'an al-Qur'an, idh kana yahtimu fi kulli yawm min Ramadan khatmah wa yusalli akhir al-layl 13 rak'ah. Wa kana fihi khushu'un 'ajib. Qama yawman yusalli فلسعه زنبور 17 مرة حتى تورم جسده ولم يقطع صلاته رحمه الله حتى أتمها. فقالوا له في ذلك: يا إمام، لماذا لم تقطع صلاتك وقد لسعت 10 مرات؟ فقال رحمه الله: كنت في سورة فأحببت أن أتمها، وكان فيه من الورع والتقوى ما يدعو للدهشة والإعجاب، وبلغ من شدة ورعه أن ابنه أرسل إليه بضاعة فطلبها بعض التجار بربح 5000 درهم، فقال له: انصرف الليلة، يعني ارجعوا غدا سأبيع لكم هذه البضاعة. فجاءه من الغد تجار آخرون وطلبوها بربح 10000، يعني ضعف. فقال لهم إني نويت أن أبيعها للذين أتوني البارحة ولا أحب أن أغير نيتي وأرسل إليه أحد الولاة أن يأتيه بكتابيه الصحيح والتاريخ حتى يسمعهما منه فقال لرسول الوالي أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضر في مسجدي أو في داري. Cher croyant, en plus de son énorme science et son immense mémoire, il était un miracle dans l'adoration. Car le but de la science est le fait de l'appliquer. Le hadith ne l'empêchait pas de lire le Coran. Il le finissait chaque jour pendant le mois de Ramadan. Et il priait chaque nuit, à la fin de la nuit, 13 raka'at. Et il était très concentré pendant sa prière, khashi'. Il pria un jour et pendant sa prière, il fut piqué par une guêpe à 17 reprises jusqu'à ce que son corps enfle par ses piqûres. Mais malgré cela, il finit sa prière. Les gens lui dirent alors, « Oh imam, pourquoi n'as-tu pas interrompu ta prière alors que tu as été piqué ?» Il répondit, « Je récitais une sourate et je voulais la finir. » Et il était très pieux et très abstinent. Son abstinence était telle qu'un jour son fils lui a envoyé une marchandise afin qu'il la revende. Des commerçants ont voulu l'acheter pour 5000 dirhams. L'imam al-Bukhari leur dit « Revenez demain, je vous la vendrai demain. » Puis le lendemain, d'autres commerçants voulurent l'acheter pour 10 000 dirhams. Le double. Qu'est-ce qu'aurait fait la plupart d'entre nous? On l'aurait vendu au second. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah leur a dit « J'avais décidé de la vendre à ceux qui sont venus hier et je ne veux pas changer ma décision. » Un jour, un des dirigeants lui dit de venir à lui avec ses deux livres, Al-Sahih et Al-Tarikh, afin qu'il lui les lise. Et l'imam Bukhari refusa et dit au messager du dirigeant, « Moi je n'abaisse pas la science et je ne l'apporte pas aux portes des gens. Si tu as besoin de ces deux livres, assiste aux assises dans ma mosquée ou chez moi. » Tuwfiya rahimahullah, Layla Ta'id al-Fitr, Sanata 56 200, وعمره 62 سنة وبوفاته رحمه الله طويت صفحة من صفحات العلماء العاملين لكن ضوءها لم ينقص بل ظل يضيء الطريق للسائرين إلى الله جل وعلا ولو لم يكن من ضوئها إلا كتابه الصحيح لأضاء ما بين الخافقين وكان شاهدا له إلى يوم القيامة فرحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه وجمعنا به في دار كرامته إنه على ذلك قدير. الإمام البخاري رحمه الله est décédé la nuit de Eid al-Fitr, l'année 256 de l'Hégire, à l'âge de 62 ans. Et par sa mort, une page parmi les pages des savants de l'islam a été tournée. Mais sa lumière n'a pas diminué. Au contraire, elle continue à éclairer le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et son livre, Al-Sahih, suffit uniquement pour éclairer l'horizon d'est en ouest. Et ce livre sera un témoin pour lui jusqu'au jour de la résurrection. Ayyuhal mu'minun. Sirat al-Imam al-Bukhari tu'atayna durusaha. فهي من الوضوح بما لا مزيد عليه وأدعوكم جميعا إلى قراءة سيرة هذا الإمام فهي عجيبة جدا ولكن اللافت للنظر أن هذا الإمام الذي خدم السنة والإسلام لم يكن عربيا هذا الإمام لم يكن عربيا البخاري الذي عرفته جميع الآفاق وكتابه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى ليس عربيا بل هو أعجمي الأصل والبلد ولد في مدينة بخارى وتقع في دولة أوزبكستان فالعبرة أيها الإخوة الكرام ليست بعروبة النشأة واللسان ولكنها بالدين الصحيح قولا وعملا وهذا الدين ليس ميراثا ولا لقبا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد. Chers croyants, la biographie de l'imam al-Bukhari nous donne des leçons car elle est très claire et j'invite donc tout musulman à lire sa biographie. Elle existe même en français. Mais le plus étonnant dans sa biographie est que cet imam qui s'est dévoué pour l'islam et la sunna n'était pas un arabe. Cela est censé inciter les gens qui ne sont pas arabes à faire des efforts dans la science et dans l'adoration. Al-Bukhari, celui qui est célèbre aux quatre coins du monde, celui dont le livre est le livre le plus authentique après le Coran, n'est pas arabe. Il vient de Bukhara. Et Bukhara est une ville qui se trouve actuellement en Ouzbékistan. Car la mesure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas par le fait d'être arabe ou pas, de parler arabe ou pas. Non, ce qui compte, c'est d'appliquer véritablement la religion par la parole et les actes. Ce n'est pas un héritage ou bien un titre. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons lors du pèlerinage d'adieu: ô gens, votre Seigneur est unique et votre Père est unique. Il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe, ni entre un blanc et un noir, si ce n'est par la piété, ai-je transmis. Les compagnons radiallahu anhum dire: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari sallallahu ta'ala bi asmahi al-husna wa sifatihi al-ula أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وفي تونس وفي مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم الطف بهم وعافهم يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يكيد بالإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في ليبيا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم استر عوراتهم واحفظ أعراضهم وآمن روعاتهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وباعد عنهم شر شرارهم يا كريم. اللهم اجبر كسرهم واجملهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.